Leçon 4. Activité 2 et 3, page 20. Piste 12. Dimanche, j'organise une fête pour mon anniversaire. Vous venez? Oui, avec plaisir. J'aime les fêtes. Super. Et toi, Alice, tu viens? Non, désolé. Je ne suis pas libre. Dommage. J'apporte quelque chose. Des sodas. Des jus de fruits? Des jus de fruits? C'est parfait.